commencé. On va pas tout recommencer. Anakin le côté obscur. Pour les vrais, les soldats de la hurle. Mais du zoom et du champagne. Sur notre mentalité, c'est la gueule. Casmine pour un show, c'est ok. Dans cette vie, rien à qui. Je peux pas ralentir, non. Je peux pas ralentir, non. Je viens de loin, tu sais même pas. C'est ma douleur que je chante. Je peux pas ralentir, non. Je peux pas ralentir, non. Je viens de loin, tu sais même pas. C'est ma douleur que je chante. Baby, comme si l'on pleuvait. Comme les vagues qui fusent dans ton peigne. Je chante la mélodie sous le tempo. Pour qu'un délicat, mais il fait quand même beau. Je n'ai la violence. Tap tap tap, mais non pas danser. Il fait quand même beau. Wololo, wololo, wololo. Violette devient violent. Voix d'où je tiens le volant. Pour la terre, je retire le collant. J'appelle, j'enlève son collant. Mais on tient qui est Coca-Cola. Mais la cagoule, je fais le boulot. Tac ou tac ou tac, tac ou tac, tac. C'est le bruit du usé quand je pull up. Il fait même pas beau dans le checks. Winterfell, ma fille, a toujours en chef. C'est de son froid qu'on t'achète. On a bossé dur pour pas manger les restes. Il fait même pas beau dans le checks. Winterfell, ma fille, a toujours en chef. C'est de son froid qu'on t'achète. On a bossé dur pour pas manger les restes. Les billets comme si l'on pleuvait. Comme les balles qui fusent dans ton bain. Je chante ma mélodie sous le tempo. Pour qu'un délicat.